méchante, vous voulez rire. Et ce pas le meilleur remédie. Vous riez quand moi je soupire. Vous soupirez, c'est très gentil. Ça c'est gentil. Voyez-moi, je vous en conjure, prenez pitié de mon tourment. Mais ce soir, votre futur, n'en direz-vous pas tout autant. Ma future. Et oui, vraiment. Votre futur, ce soir. Vos jolis yeux, le charme exquis de ce corsage, ce teint si blanc, si merveilleux, et la fraîcheur de ce visage. Peut-être bien, voyez-vous, ne jurons de rien. A quitter cet air ironique, croyez-moi, chère Véronique. Je vous crois. Oh,